الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc الحمد لله. On va commencer aujourd'hui un nouveau dars, puisqu'on a terminé au dernier cours les explications des paroles du Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, au sujet des questions qui ont rapport avec le manhaj et l'attitude qu'on doit adopter envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté. Donc on a fini avec ce livre, et donc on commence aujourd'hui un nouveau sujet qui s'intitule « At-tawassul al-mashru'u al-mamnu'u ». C'est-à-dire, al-tawassul qui est permis, il y a un tawassul qui est légiféré et qui est permis, et une autre forme de tawassul qui est interdite, et c'est, yani, ce sujet dont on va parler. Toutefois, yani, je cherchais le, parce que j'ai la copie de ce livre, en livre à la maison, et je pensais que je l'avais apporté. Donc on commence, inshallah. Donc muqaddimatu fi bayan 'idami amr at-tawhid wa kayfa dabba ash-shirku 'an al-umma wa kayfa dabba ash-shirk fi al-umma. Donc c'est une introduction maintenant au sujet de l'importance et la grandeur de la question du tawhid, et comment propager, comment défendre le tawhid, et de faire en sorte que le shirk soit éloigné de cette umma, hein, et que cette umma soit protégée et éloignée du shirk. Donc le Cheikh Abdussalam ibn Burjassi, il commence son livre en disant « Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq al-khalq abathan wa lam yatrukhum hamalan lam yakhluqhum liyastakthir bihim min qillah wa la liyastakwi بهم من ضعف، وإنما خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، وسخر لهم من أجله السماء والأرض وما تقوم به حياتهم، وخلقهم ليعبدوه، خلقهم ليعبدوه وليوحدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها قولا وفعلا واعتقادا. Donc le Cheikh Abdussalam ibn Burjassi, il commence en mentionnant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la paix et le salut sur le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses fidèles et sur ses compagnons, et tous ceux qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont alliés à lui. Ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la création sans raison, sans un but. Il n'a pas créé la création pour rien. Et lorsqu'il a créé la création, il ne les a pas abandonnés sans responsabilité et sans ordre à suivre et sans interdiction. Il les a créés, mais il les a pas créés en même temps pour augmenter un nombre parce qu'il se sentait seul ou parce qu'il était il avait besoin de support et donc il a créé la création. Non, c'est pas pour ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-qawi, al-aziz, le tout-puissant, le fort. Donc il n'a pas besoin d'un nombre, d'un grand nombre de supporters ou de défenseurs. Allah subhanahu wa ta'ala se suffit par lui-même. Et il n'a pas non plus créé cette création pour avoir plus de force parce qu'il aurait été faible. Pas du tout, au contraire, comme on vient de le dire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus fort, le tout-puissant. Il n'a besoin de rien. Et tout a besoin de lui. Mais il les a uniquement créés pour une chose très importante. Et il a assujetti pour eux les cieux et la terre. Tout ce qui est vivant sur la terre a été créé pour les créatures dans le but d'établir ce but-là, cet objectif-là pour lequel on a été créé. Et cet objectif dont il parle ici, eh bien, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous a créé pour qu'on l'adore et pour qu'on l'unifie. Donc, quand on parle d'adoration, c'est pas uniquement que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer et que ça s'arrête là. Il nous adore de l'adorer et de l'adorer lui seul, c'est-à-dire de l'adorer en établissant son tawhid, son unicité, et de faire en sorte qu'il soit le seul qu'on adore, hein, qu'on rende notre adoration pour lui exclusive dans toutes les différentes formes d'adoration qu'on peut faire. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce que tu fais, comme salat, comme dua, hein, comme sacrifice, comme autres formes d'adoration également qui sont plus intérieures, comme par exemple l'amour, la crainte, l'espoir, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ce sont des formes d'adoration et on n'a pas le droit de les offrir à quiconque ou à quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous a créé fondamentalement pour qu'on l'adore, c'est-à-dire pour qu'on l'unifie dans notre adoration et pour qu'on fasse en sorte que toutes les formes d'adoration qu'il nous a ordonné de faire et qu'il a aimé, qu'il a agréé, que ce soit dans nos paroles, dans nos actions et dans notre croyance, eh bien qu'elles soient accomplies, mais qu'elles soient accomplies de façon à être exclusives pour Allah seul. Et le cheikh mentionne à ce sujet-là des versets dans le Coran. Donc, il va mentionner, par exemple, le verset dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Versets 56, 57 et 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. Ce verset-là signifie, ou ces versets signifient, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens en français, c'est que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour qu'ils m'unifient dans leur adoration et qu'ils me vouent un culte exclusif. C'est ça ce que ça signifie, qu'ils m'adorent. Hein? Parce que sinon, il y a des juifs qui adorent Allah, il y a des chrétiens qui adorent Allah. Hein? Et il y a d'autres personnes aussi de différentes religions qui adorent Allah. Mais le problème, c'est qu'ils n'adorent pas réellement Allah puisqu'ils font le shirk avec lui. Hein? Ils associent avec lui dans l'adoration. Soit qu'ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit qu'ils adorent carrément d'autres que Allah. C'est-à-dire qu'ils n'adorent pas Allah parmi les mushrikines, par exemple. Donc, il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent lui seul. Et il dit, je ne veux pas d'eux une subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de quoi que ce soit de sa création. C'est plutôt la création qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. C'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui est le donneur de subsistance, celui qui détient la force et qui est l'ébranlable, l'inébranlable. Hein? Celui qui détient la force et qui est inébranlable. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et il nous ordonne uniquement en retour de l'adorer, hein, de lui offrir un culte pur et exclusif. Et il dit le Cheikh, وَلِعِظَمِ هَذَا الْأَمْرِ وَأَهَمِّيَتِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ كُتُبَهُ وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ انذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. Donc il dit ici le Cheikh, il mentionne que à cause de la grande importance de cet ordre et de cette affaire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est-à-dire son adoration, à cause de son grande importance, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses livres pour confirmer ce principe-là et cette chose-là, c'est-à-dire que l'adoration, le but de la création, c'est l'adoration d'Allah seul et d'établir son tawhid. Tous les livres qu'Allah a révélés à ses différents messagers ont tous concentré, hein, leur appel et le message qui est dedans est centré sur le tawhid et l'unicité d'Allah. Hein? Et tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, eh bien, ils ont tous été envoyés par le tawhid aussi. Et pour établir ce commandement et cet ordre fondamental. Et il mentionne ensuite un verset à ce sujet, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait descendre les anges, hein, avec la révélation venant de son ordre sur ceux qu'il décide ou ceux qu'il veut parmi ses serviteurs pour qu'ils avertissent les hommes que rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Alors craignez-moi. Hein? Donc ça c'est l'exemple du tawhid ici, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset que rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Hein? Et ça c'est le tawhid. La ilaha illa illallah. La ilaha illa ana. Il dit la ilaha illa ana ici, dans ce verset. Donc ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqoun. Alors craignez-le, hein, et n'adorez pas d'autre que lui. Et juste pour dire ici en passant que at-taqwa, la définition de at-taqwa que les salafs ont donnée, c'est le fait de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne avec science venant de sa révélation et le fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire avec science venant de sa révélation par amour pour par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense. C'est ça la signification de at-taqwa. Et d'autres parmi les salafs ont expliqué que at-taqwa, c'est de prendre entre soi-même et le châtiment d'Allah une protection, et c'est-à-dire en faisant ce que Allah nous ordonne de faire et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Et la plus grande chose de ce que Allah nous a ordonné, c'est d'établir le tawhid, c'est-à-dire de l'unifier dans notre adoration, et la plus grave de toutes les choses qu'il nous a interdites, c'est le fait d'associer avec lui dans l'adoration, de faire le shirk. Donc ça revient toujours à l'ordre du tawhid et à l'interdiction du shirk. Hein? Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ici. Contrairement à certains ignorants qui parlent de la piété, par exemple, à taqwa, et qui pensent que parmi les koufars et les mouchriquins, il y a des muttaqoun. Hein? Je pense qu'il y a des gens qui ont de la piété. Alors que la piété, à la base, ça commence par le tawhid. Ça commence par le tawhid et le fait de s'abstenir de faire le shirk. Donc, comment on pourrait prétendre qu'un mouchrik, un kafir, a de la taqwa, hein? Ou bien est parmi les muttaqoun? Donc ça, c'est totalement ridicule et ça, c'est une preuve de l'ignorance de la personne qui dit ce genre de choses. Hein? Parce qu'il y en a qui interprètent la tarwa comme étant une crainte révérentielle ou une conscience, et ainsi de suite. Et bien entendu, la définition qui a été donnée par les salafs, elle est plus claire et plus en accord avec la réalité de ce que le terme taqwa signifie. Hein? Et le cheikh, il dit, ensuite, après avoir mentionné ce verset comme exemple, il mentionne d'autres exemples. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. C'est-à-dire, nous avons suscité dans chaque nation un messager pour, hein, qui dit, pour dire à son peuple, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Hein? Et le tarot, les ulama l'ont défini, ils l'ont expliqué par rapport à ce qui a été mentionné dans les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et ils ont dit que le tarot, c'est le shaitan. Et ils ont expliqué aussi que c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes, les idoles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le tarot. Hein? Et il y a d'autres aussi, d'autres significations et d'autres définitions, mais c'est la base, c'est ça. C'est que c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le shaitan, et tout ce qui est contraire à l'ordre d'Allah, et ainsi de suite. Donc il dit ensuite, وَقَالَ تَعَالَى, dans un autre verset, donc on voit dans ce verset qu'on vient de lire, l'ordre de chaque messager qui a été envoyé à une nation, c'était toujours de commencer par l'appel au tawhid, d'adorer Allah seul, et de s'écarter du tawhid, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc tous les messagers ont commencé leur da'wah par ce message. Hein? Et un autre verset que le cheikh a mentionné, قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé avant toi de messager excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que le messager, quand il arrivait à son peuple, la première chose qu'il disait, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors, adorer Allah. D'accord? Et donc, ça, c'est la preuve. Hein? Et il y en a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là, que la base de l'islam, le message le plus important dans l'islam, le plus fondamental dans l'islam, c'est le tawhid. C'est l'unicité d'Allah. Il n'y a rien plus important dans l'islam que la ilaha illallah, que le tawhid. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut que la da'wah soit basée sur le tawhid, avant toute autre chose. Hein? Avant de parler de tout autre sujet. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, hein, ils renversent les choses. Hein, ils donnent l'importance à des choses secondaires et ils mettent la priorité sur des choses qui ne sont pas fondamentales. Et les choses fondamentales de la religion, comme la aqidah, le tawhid, la croyance, et le dogme, les principes de base de la religion musulmane, ils les prennent comme des choses secondaires, ils les mettent derrière. Et celui qui agit de cette manière, il contredit l'exemple des messagers d'Allah. Hein? Il n'aura jamais le succès. Donc le cheikh, après avoir cité ces versets-là, il dit « وَلَقَدْ كَانَ النَّاسُ أَوَّلَ الْأَمْرِ عَلَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ وَالْمَنْهَجِ الْمُسْتَقِيمِ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا دَبَّ إِلَيْهِمْ دَاءُ الشِّرْكِ بِاللَّهِ أرسل الله الرسل لينهوا عن الشرك وليدعو الناس إلى عبادة الله وحده كما قال تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. أي نعم. Donc, le cheikh explique et il dit que les hommes, à la base, étaient sur la fitra. Les premiers hommes que Allah a créés étaient sur la fitra. La fitra qui est saine. La saine nature. C'est-à-dire, le tawhid et l'islam. La fitra, c'est l'islam. Et c'est le tawhid. Donc ils étaient sur le tawhid et sur l'islam et sur cette voie qui est droite. Ils n'adoraient rien d'autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le shirk, la maladie du shirk a commencé à se propager parmi les hommes, hein, le fait d'associer avec Allah dans l'adoration, ça a commencé à se propager, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour avertir les hommes, hein, à propos du danger du shirk et pour leur interdire de commettre le shirk et pour les inviter à l'adoration d'Allah seul. Et le shirk, il mentionne à ce sujet-là des versets dans le Coran pour montrer comment à l'origine les hommes étaient une seule nation, hein, et qu'ils étaient yani tous sur le tawhid. Il dit, il mentionne le début du verset, « Kana an-nasu ummatan wahidatan » C'est-à-dire, les hommes, à la base, ne formaient qu'une seule umma, une seule communauté. Et dans une autre narration, ou plutôt une autre lecture de ce verset, rapportée selon Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, dans le verset, « Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu » C'est-à-dire, les hommes étaient une seule communauté, puis ils se sont divisés, ils ont divergé entre eux. Pourquoi? À cause du shirk. Ils ont divergé entre eux à cause du shirk. Et ça, c'est une preuve pour montrer que le shirk dans l'adoration, c'était une bid'ah à la base, puisque les hommes ne connaissaient pas le shirk. Et dans la religion d'Allah, il n'y avait pas de shirk. Et le shirk a été introduit par la suite. Donc c'était quelque chose de nouveau qui a été introduit dans la religion, qui n'est supporté par aucune preuve de la révélation. Donc c'est une innovation. Hein? C'est une base de l'innovation. Et le shaykh, il cite Naam. Dans les narrations qui ont été rapportées à ce sujet-là, on va le mentionner de toute façon, mais c'est apparu d'après ce que certains rapporteurs ont mentionné, et dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, il dit que après Adam, il y avait 10 générations qui ont été sur le tawhid. Puis c'est à la période, à l'époque de Nuh alayhi salam, que le shirk a été introduit dans le monde, et on va expliquer pourquoi et comment dans quelques instants, inshallah. الشيخ الذي وقال قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى أيضا في بيان حال الناس أول الأمر وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Donc dans le verset que le cheikh a cité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes à la base ne formaient qu'une seule communauté. Puis il a envoyé les messagers, les prophètes et les puis il a envoyé les prophètes comme avertisseurs et comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Et il a fait descendre avec eux des livres en toute vérité pour qu'ils jugent entre les hommes d'après ces livres. Au sujet des choses dans lesquelles ils avaient divergé. Mais il dit ensuite wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat baghyan bainahum. Et ils n'ont divergé que une fois après avoir reçu ce qui leur a été donné comme preuve évidente et claire par envie les uns vis-à-vis des autres et par transgression les uns contre les autres. Et Allah a guidé parmi eux ceux qui ont cru dans les choses dans lesquelles ils ont divergé, parmi les choses de la vérité, par sa permission. Donc ceux qui ont cru, Allah les a guidés parmi eux. Et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Ça veut dire que lorsque la divergence apparaît, après que la vérité a été clarifiée, ceux qui divergent, il y a parmi eux ceux qui viennent à la vérité, qui cherchent la vérité, et c'est ceux qui sont sincères et qui sont croyants, qui reviennent à la vérité de ce qu'Allah a révélé, puis il y a ceux qui suivent leurs désirs, qui suivent leurs passions, qui refusent de revenir à la vérité, et qui divergent, mais qui divergent par rapport à la vérité sans preuve. Ils divergent en suivant leurs passions. Et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Dans l'autre verset que le cheikh a cité, il parle aussi de l'état des premiers hommes, et il dit à leur sujet que les hommes à l'origine formaient une seule communauté, puis ils ont divergé, et si ce n'était pas d'une parole qui avait précédé de la part de ton Seigneur, il aurait jugé entre eux au sujet des choses dans lesquelles ils ont divergé. Et il dit par la suite, il dit « فَإِنَّ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامْ لَمَّ مَاتْ بَقِيَ أَوْلَادُهُ عَشْرَةَ قُرُونَ عَشْرَةَ قُرُونَ بَعْدَهُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ دِينِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَسَبَبُ كُفْرِهِمْ الْغُلُوُ فِي حُبِّ الصَّالِحِينَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Donc, le cheikh, il explique que Adam, alayhi salam, lorsqu'il est mort, ses enfants sont restés sur la religion de l'islam, la religion de leur père, la religion du tawhid, pendant 10 générations. Pendant 10 générations. Puis, ils ont mécru par la suite. Ils sont tombés dans la mécréance, dans le kufr. Et la cause de cette mécréance, c'est l'exagération dans l'amour des hommes pieux et des hommes vertueux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset-là, au sujet des mushrikines, qu'ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités. Donc, les mushrikouns s'encouragent toujours à faire le shirk entre eux. Et ils se poussent les uns les autres vers le shirk. Donc, ils disaient, lorsque le messager est venu vers eux pour les appeler au tawhid et d'abandonner l'idolâtrie et l'adoration des idoles, ils ont dit, n'abandonnez pas vos divinités. C'est-à-dire, n'abandonnez pas vos idoles. Et n'abandonnez pas Wad et Suwa' et Yarouf, et Ya'ouq, et Nasr, qui sont les noms des 5 hommes pieux que ces gens-là vénéraient. Donc le cheikh, il l'explique, il dit, « ذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءَ الْخَمْسَةَ قَوْمٌ صَالِحُونَ كَانُوا يَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ فَمَاتُوا فِي شَهْرٍ فَخَافَ أَصْحَابُهُمْ مِنْ نَقْصِ الدِّينِ بَعْدَهُمْ فَصَوَّرُوا سُورَةَ كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيمهم من قبلهم نعم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم ثم طال الزمان ومات أهل العلم فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. Donc le cheikh, il explique les étapes par lesquelles les gens ont commencé à tomber dans l'idolâtrie après le messager, ou plutôt après la mort de ces hommes pieux. Qu'est-ce qu'il a expliqué le cheikh, c'est que ces 5 hommes qu'on a mentionnés, Wad, Iswa, Yahuth, Yaouk et Nasr. C'étaient les noms de cinq hommes pieux qui leur ordonnaient le bien et leur interdisaient le mal dans le peuple. Puis ils sont tous morts dans le même mois. Alors leurs compagnons ont eu peur que la religion commence à dégénérer après eux. Et donc ils ont commencé à faire les images de ces hommes pieux-là, à faire soit leurs images ou leurs statues, et à les mettre sur les places où ils s'assoyaient, hein, à l'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir, dans le but de se rappeler d'eux, dans le but de se rappeler de leurs paroles et de leurs actions, hein, lorsque les gens allaient voir leurs images ou leurs représentations. Hein. Donc les gens à la base, le cheikh dit à la base, bon, il y a eu une première génération qui est arrivée après, et eux ont commencé à les exalter, à les vénérer, à les respecter plus que la première génération. Mais ils n'ont pas encore adoré ces images. Ils ne sont pas tout de suite tombés dans l'adoration de ces images. Hein? Donc la première génération, ils n'ont pas adoré. La deuxième génération, après, ils n'ont pas adoré eux non plus. Mais le temps a été long par la suite, et les hommes de science, ceux parmi eux qui avaient de la science de la religion, connaissaient le tawhid, sont morts. Et les gens sont restés sans ulama, par la suite, sans savants, pour les guider, pour les orienter, pour leur clarifier la religion. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le shaitan est venu vers ces gens-là et a insufflé dans le cœur des ignorants parmi eux que ceux-là étaient des hommes pieux. Ces images-là sont les images des hommes pieux et les images de leurs chouyours, des hommes respectables parmi eux, et que les gens avaient fait leurs images pour que ces hommes-là intercèdent auprès d'Allah en leur faveur. Et c'est là qu'ils sont tombés dans l'adoration de ces images et de ces hommes pieux, et qu'ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien avec Allah. Hein? Et dans les deux cas, c'est du shirk. Que tu adores quelqu'un en dehors d'Allah ou que tu les adores avec Allah, les deux, dans les deux cas, c'est du shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une adoration qui n'est pas pure. Il accepte uniquement une adoration qui est pure. Si ton adoration n'est pas pure, dans le sens que tu adores quelqu'un d'autre avec lui, hein, ou d'autre que lui, eh bien, dans ce cas-là, cette adoration-là, elle ne mérite pas d'être appelée adoration. En réalité, qu'est-ce que tu fais? C'est du shirk. Et c'est quelque chose qui est rejeté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est de la manière dont le shirk s'est introduit. Ils n'ont pas dit on va les adorer directement, nécessairement, en partant. Mais ils ont dit on va les prendre comme des intermédiaires, des intercesseurs, pour que eux s'adressent à Allah pour nous. Parce que nous, on est faibles, on a des péchés, on n'est pas vertueux, on n'est pas aussi pieux que eux. Eux étaient des hommes pieux, des hommes vertueux, donc eux peuvent s'adresser à Allah et Allah va les exaucer, tandis que nous, c'est peut-être pas le cas. Hein? Et c'est ça la ruse du shaitan, la ruse que le shaitan a employée pour égarer beaucoup d'entre les hommes et pour les faire tomber dans l'idolâtrie. Donc le cheikh il dit فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامِ لِيَرُدَّهُمْ إِلَى دِينِ آدَمْ وَذُرِّيَّتِهِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَ التَّبْدِيلِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Donc le cheikh explique que après qu'ils aient fait ça, que les gens ont commencé à adorer ces hommes pieux, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Allah a envoyé le prophète Nuh, alayhi salam. Allah a envoyé le prophète Nuh, alayhi salam, pour qu'il les ramène à la religion de Adam, alayhi salam, et la religion de ses fils, ceux qui vivaient avant que la religion soit changée. Ou modifiée ou falsifiée. Alors, yani, on a su qu'est-ce qui est arrivé au peuple de Nuh lorsque Nuh a commencé à les appeler au tawhid, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné à ce sujet-là dans le Coran. Il nous en parle dans Sourate Nuh et il nous en parle également dans d'autres versets dans différentes parties du Coran. Le cheikh il dit: ثُمَّ عَمَرَ نُوحٌ أَهْلُ السَّفِينَةِ ثُمَّ عَمَرَ نُوحٌ أَهْلُ السَّفِينَةِ الْأَرْضِ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيهِمْ وَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَبَقَوْا عَلَى الْإِسْلَامِ مُدَّةً لَا نَدْرِي مَا قَدْرَهَا ثُمَّ حَدَثَ الشِّرْكُ فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيهم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وهناك كثير من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Donc le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, on sait l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec Nuh, alayhi salam, pendant 950 ans, il a appelé son peuple Al-Fasanatin, illa khamsina ama, c'est-à-dire 1000 ans, moins 50, ça veut dire 950 ans. Il a appelé son peuple pendant 950 ans à adorer Allah seul et à abandonner le shirk. Mais le peuple de Nuh a refusé et a rejeté le tawhid et l'appel de Nuh alayhi salam. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de construire un bateau, une arche, sur lequel il a mis des animaux et des êtres vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait le déluge. Il a fait que la pluie tombe et la terre a été inondée. Et tous les êtres qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Il n'est resté que Nuh et ses descendants. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les habitants de l'arche ont repeuplé la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction chez eux. Et ils se sont propagés en nations sur la terre et ils sont restés sur l'islam pendant une durée de temps. Mais on ne connaît pas la durée de temps exacte, sauf qu'ils sont restés pendant un certain temps sur le tawhid et sur l'islam. Puis, le shirk est apparu encore une fois. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Il n'y a pas une nation qui existait, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un messager pour leur rappeler qu'est-ce que c'est le tawhid, pour les inviter au tawhid et à abandonner le shirk et leur interdire de commettre le shirk. Et le cheikh explique qu'il y a beaucoup de messagers qui sont venus à différents peuples que nous ne connaissons pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés à leur sujet de façon spécifique. Mais il nous a dit de façon générale, parmi ces messagers, il y en a dont nous t'avons donné ou raconté l'histoire, mais il y en a dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc, il y a des messagers au sujet desquels on n'a aucune information. Et Allah nous a rien dit à leur sujet, mais de façon générale, on doit croire que tous les peuples à l'époque ont reçu un messager pour les avertir contre le shirk et pour les appeler au tawhid. Après, le cheikh, il dit « وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنْ عَادٍ أَلَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ فبعث الله إليهم هودا عليه السلام فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. Donc le cheikh il dit que il y a eu Ad, et Ad, il n'y avait pas une ville qui était construite comparable à elle dans les contrées, dans le pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un messager. Et ce messager, c'est Hud. Hein? Hud alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans le Coran son histoire. Hein? Nous a raconté son histoire. Il y a plusieurs sourates dans lesquelles tu peux trouver les histoires des différents prophètes. Il y a Sourate Al-Anbiya et il y a d'autres aussi dans le Coran. Et ils sont répartis dans différents versets. Dans chaque sourate, tu peux trouver des parties de ces histoires-là. Et là, et à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à un peuple, eh bien, il commençait leur da'wah par le tawhid. Par exemple, dans Surat Al-A'raf, si vous voulez voir un peu par rapport à l'histoire de Ad et du prophète Hud, il y a le verset 65 dans Surat Al-A'raf où il y a la mention de ça. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. Et au Ad, leur frère Hud, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Et ainsi de suite. Donc il y a l'histoire de Hud après et des autres prophètes. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé de ce que Allah a mentionné à ce sujet-là dans son livre. وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم مدة بعد مدة إلا أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. C'est-à-dire que le tawhid est resté parmi les compagnons de Hud jusqu'à ce qu'ils disparaissent après une certaine durée de temps. On ne connaît pas quelle est cette durée exacte. Puis, ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم فجرى عليه من قومه ما جرى وآمنت به امرأته سارة ثم آمن له لوط عليه السلام. Donc le cheikh explique que après, il y a eu, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Ibrahim alayhi salam. Et à l'époque de Ibrahim, il n'y avait personne sur la terre qui était musulman, excepté lui. Et il est arrivé, par rapport à son peuple. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que Ibrahim alayhi salam fait partie des gens de Babylone à l'époque. Hein? Les gens qui vivaient dans la ville de Babylone, l'ancienne Babylonie. C'est une ancienne civilisation. Et à l'époque, ces gens-là adoraient des idoles. Ils adoraient les étoiles aussi, les constellations. Et Ibrahim alayhi salam, eh bien, il faisait partie donc de ce peuple-là. Hein, et il les a appelés au tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui son messager à ce peuple. Et yani, ils ont refusé de croire en Ibrahim alayhi salam. Même que Ibrahim, on connaît l'histoire, quand il a détruit les statues. Il y avait plusieurs statues. Il y avait la plus grande. Donc il a détruit toutes les statues, il a laissé seulement la plus grande. Et là, les gens sont arrivés et ont dit qui a fait ça, hein, à nos idoles? Et il a répondu que c'était la plus grande. Et en même temps, bon, c'était pour leur montrer que leur religion était insensée et ridicule. Et que l'idolâtrie, c'est quelque chose de faux. Parce qu'ils ont répondu en disant, mais comment on pourrait demander à une statue, alors tu sais qu'elle ne parle pas, elle peut même pas nous répondre. Donc, comme si en voulant dire, est-ce que tu nous prends pour des gens idiots ou quoi, de nous demander de demander à cette idole. Et donc, c'est en même temps pour montrer la stupidité de leur adoration pour ces idoles-là. Et c'est en même temps à ce moment-là qu'ils réalisent que Ibrahim, alayhissalam, est en train d'établir la preuve contre eux en leur disant ce genre de choses. Et ils ont même par la suite essayé de le brûler, hein, sur un bûcher. Et Allah l'a sauvé. Ils l'ont lancé par une catapulte jusque dans un feu qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Et Allah a fait que ce feu ne le brûle pas et qu'il soit doux pour lui. Et donc, Allah l'a épargné de leur châtiment. Et puis, par la suite, il a fait la hijra vers, hein, il a fait la hijra vers la, non, il a fait la hijra vers la région de Cham, hein, en Syrie, dans la région de la Palestine, Syrie, Jordanie, donc cette région-là. Et, bon, on connaît l'histoire par la suite. Et il dit que, par la suite, ceux qui ont cru en lui, à sa femme, Sarah, qui a cru en lui, et l'autre, Lot, qui a cru en lui également. Et on connaît l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé aussi au peuple de Lot, qui était un peuple de mouchriquines, qui adorait des idoles, et en même temps qui faisait une des plus grandes turpitudes qui existent sur Terre, une des plus grandes abominations, c'est-à-dire la pratique de la sodomie. C'est même de là que vient le nom. On l'appelle la ville de Sodome et Gomorre. Donc on l'appelle l'acte. La sodomie, on l'appelle par rapport à le nom de cette ville-là. Et en arabe, on dit Al-Loutiya, hein, ou Amal comme Lout. Al-Liwat, on l'appelle Liwat. C'est le fait que un homme ait des rapports sexuels avec un autre homme par l'anus. Hein, bien entendu, ça c'est une abomination. Et même on sait que dans l'islam, même un homme avec sa propre épouse, qui est marié avec elle légalement, islamiquement, il n'a pas le droit de commettre la sodomie avec elle, puisque c'est quelque chose qui est interdit. Et même certains parmi les ulama l'ont appelé la petite homosexualité. Homosexualité, la petite sodomie. Donc ça, c'est quelque chose qui est haram. Et le prophète, en parlant de ça justement, il a dit que c'était kufr. Il a dit, Man atamra'atahu fi duburiha faqad kafar. Donc celui qui a des rapports avec sa femme par l'anus, eh bien il a mécru. Et ça ne veut pas dire qu'il a quitté la foi ou qu'il est devenu mécréant. Mais ça veut dire plutôt qu'il a commis un acte, hein, que le prophète Sosam a appelé kufr. Mais c'est un kufr mineur, c'est pas un kufr majeur, à moins qu'il le rende licite. Ça fait partie des formes de mécréance mineure qui font pas sortir de la religion. D'accord? Mais c'est quand même un des grands péchés parmi les grands péchés, comme l'adultère. Hein? L'adultère et la fornication. C'est la même chose. Donc, la personne qui commet l'adultère et la fornication dans l'islam, il a des désirs illicites. Et il essaie d'assouvir ses désirs illicites de façon illicite. Eh bien, les gens qui commettent la sodomie, c'est la même chose. Ils ont des désirs et ils veulent les assouvir de manière illicite. Et donc, dans l'islam, il y a des punitions pour ça. Il y a des punitions pour ceux qui font la fornication et l'adultère. Il y a des punitions aussi dans la charia pour ceux qui commettent la sodomie. C'est la même chose. Hein? Et à ce sujet, bon, je me permets de faire cette petite note juste pour clarifier en passant, parce que les koufars sont en train en ce moment de faire beaucoup d'efforts pour ils dépensent de l'argent et du temps et de l'énergie pour faire en sorte que cette chose-là soit quelque chose qui devienne accepté de tout le monde. Et que il y a envie de faire croire aux gens que c'est quelque chose qui est normal et qui est bon. Et qu'on doit traiter comme étant aussi normal que un homme qui est marié avec une femme. Et même qu'ils ont légalisé même le mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. Donc nous, alhamdoulillah, dans l'islam, on a été guidés à la vérité par rapport à ces sujets-là. Et on sait que ce sont des choses abominables, que Allah déteste, et que les croyants détestent, que les messagers ont interdit, et que Allah a même prescrit dans la charia des punitions pour ça. Donc, bien entendu, c'est des punitions qui sont appliquées et établies par les dirigeants musulmans dans les pays musulmans. Et que si, par exemple, on n'a pas l'autorité ou on ne fait pas partie de ceux qui détiennent l'autorité officielle dans un pays, on n'a pas le droit de faire appliquer les peines de la charia. Parce que quand j'étais en Haïti, il y a des musulmans là-bas qui me demandaient la question, est-ce qu'on peut nous-mêmes appliquer les peines de la charia sur des homosexuels ou des choses comme ça. Et je leur ai dit, non, vous n'avez pas le droit. Parce que ça, c'est l'autorité officielle, le pouvoir politique officiel, le gouvernement et ses représentants qui ont le droit de faire exécuter ces peines-là. Mais pas la population, pas les civils, hein, pas les gens du commun. Si vous essayez de l'appliquer vous-même, c'est vous qui allez être puni selon la charia, dans le sens que en islam, on n'a pas le droit de se mettre à la place du dirigeant pour faire appliquer des règles et des lois qui dépassent notre responsabilité. Donc, juste pour clarifier ça, pour que s'il y a des musulmans qui sont pas au courant de ces questions-là, qui savent pas la position islamique sur ces questions-là, que au moins ils puissent avoir une information authentique et correcte là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Donc, pour revenir au sujet, qui est la base, qui est le tawhid, hein, parce que le péché de la sodomie ou des choses comme ça, c'est comme l'adultère, c'est la fornication. Si quelqu'un le commet, il devient pas mécréant. À moins qu'il le rende licite. S'il croit que c'est halal, que c'est permis de faire ça, dans ce cas-là, ça devient de la mécréance. Parce qu'il rend licite ce qui est illicite. Toutefois, s'il le fait, et qu'il est sur le tawhid, et qu'il croit en Allah, et en ses messagers, et en ses livres, et qu'il reconnaît que c'est un péché, eh bien, il est toujours musulman. Sauf qu'on dit de lui qu'il a la foi faible. Donc, le cheikh, ensuite, il continue donc à parler de l'exemple, après qu'est-ce qui est arrivé depuis l'époque d'Ibrahim. Il dit, وَمُنْذُ ظَهَرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُعْدَمَ التَّوْحِيدُ فِي ذُرِّيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Donc il dit que depuis que Ibrahim alayhi salam est apparu, eh bien le tawhid n'a jamais été absent dans sa progéniture et dans ses enfants. Il y a toujours eu quelqu'un dans ses enfants qui était sur le tawhid. Il dit, كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. C'est-à-dire, il a fait de cette parole, c'est-à-dire la parole du tawhid, de la ilaha illallah, une parole qui reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. C'est-à-dire revenir à la vérité, revenir au tawhid. Il dit, وكان عليه السلام في أرض العراق. وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. Donc, le cheikh il dit que il a habité le messager d'Allah Ibrahim alayhi salam, il a habité en Irak, puis après qu'est-ce qui lui est arrivé de la part de son peuple, il a fait la hijra, il est allé vivre en Syrie, dans la région qu'on appelle Sham, la Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Cisjordanie, toute cette région-là, on l'appelle en arabe Sham. Ok? Et il est resté là-bas jusqu'à sa mort. وَلَقَدْ هَبَتْ وَهَبَتْ إِمْرَأَتُهُ سَارَةَ جَارِيَةً لَهَا هِيَ هَاجَرَ فواقعها فولدت له إسماعيل عليه السلام. فغارت سارة فأمر الله بإعادة هاجر عنها، فذهب بها وبابنها فأسكنها في مكة. Donc, Cheikh explique que ensuite, Ibrahim Ibrahim a reçu de sa femme, Sarah, une servante, une esclave, qui s'appelait Hajar. Et donc, il a eu un enfant avec cet esclave. Il l'a appelé Ismaïl. Et donc, Sarah, elle, a été jalouse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de s'écarter avec Hajar et de l'amener avec son fils Ismaïl pour qu'elle habite à Mecca. Donc, il est parti de la Palestine, de la région là-bas, vers Mecca. Il dit, ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ وَلِسَارَ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait don à Ibrahim et à Sarah d'un enfant qu'il a appelé Ishaq. Et après Ishaq, il y a eu Ya'qub. Ya'qub, qu'on appelle Israël. C'est le père des enfants d'Israël, des 12 tribus. Il dit « وَقِصَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفَصَّلَ فِي الصَّحِيحِ » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Donc l'histoire de Ibrahim, elle a été mentionnée en détail dans Sahih al-Bukhari par Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. Les détails de l'histoire sont mentionnés. وأصبحت ولاية البيت ومكة لإسماعيل عليه السلام. Donc c'est Ismaïl qui s'occupait de la maison sacrée qui a été construite par Ismaïl et Ibrahim, c'est-à-dire par Ibrahim et son fils Ismaïl, c'est la Kaaba. ثم لذريته بعده. Donc c'est Ismaïl qui était le responsable de cette maison, et après lui, il y a eu ses enfants. وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة. Puis les enfants d'Ismaïl étaient tous sur l'islam, ils se sont propagés, ils se sont dispersés dans la péninsule arabe. Ils étaient très nombreux. Ils étaient tous sur l'islam, la religion d'Abraham et d'Ismaïl. Et ils sont restés des générations et des générations comme ça. ولم يزالوا على ذلك حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم. Donc ils sont restés sur le tawhid jusqu'à ce que vienne ou apparaisse Amr ibn Luhay, et c'est lui le premier qui a ramené l'idolâtrie, le shirk, dans la péninsule arabe et qui a changé la religion d'Abraham. C'est lui qui est revenu avec les statues, les idoles du Sham jusqu'à la péninsule arabe, jusqu'à la Kaaba, et c'est lui qui a introduit le shirk donc dans l'adoration des gens de la région, de cette région là yani, de la péninsule arabe et de la Mecque. Il a changé la religion d'Abraham. Il dit wa qissatuhu annahu nasha'a 'ala amrin 'azim من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم فصاروا ملكة مكة أو ملك مكة وولاية البيت بيده وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا لأن الشام محل الرسل والكتب يعني فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. سبحان الله. L'histoire de Amr ibn al-Wuhay, c'est quoi? C'est qu'il est grandi, il a grandi dans le bien, dans la charité. Il faisait la charité, il faisait beaucoup de bien. Et il aimait beaucoup la religion, les affaires de la religion. Et les gens, à cause de ça, l'aimaient, l'ont beaucoup aimé. Et ils ont même décidé, à cause de ça, de faire de lui leur roi. Alors, il est devenu le roi de la Mecque. Et il a été donc le responsable de la Kaaba à cause de ça. Puis les gens ont cru de lui qu'il faisait partie des grands savants et qu'il était parmi les pieux, et les gens rapprochés d'Allah. Puis il a voyagé vers la Syrie, vers la Cham, et il a vu les gens de la région adorer les idoles. Alors il a trouvé que c'était quelque chose de bien. Il a pensé que c'était vrai. Et pourquoi? Parce que les gens de la région de Hacham sont, c'est une région où il y a beaucoup de messagers et de livres qui ont été envoyés. Alors, ils considèrent les gens de la région comme ayant un mérite sur les gens de la péninsule arabe. Comme s'ils sont meilleurs puisqu'ils ont reçu des messagers et des prophètes. Alors, il est revenu à la Mecque et il leur a amené les statues. Il a ramené la statue de Hubal, qui était une idole adorée par les gens de Hacham à l'époque. Donc ils adoraient Hubal. Et il l'a ramené à l'intérieur de la Kaaba. Il a mis l'idole à l'intérieur de la Kaaba et il a appelé les gens de la Mecque à faire le shirk avec Allah. Et les gens ont accepté et ont commencé à faire le shirk. وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق. Donc il dit que les gens de la péninsule étaient toujours en train de suivre les gens de la Mecque. Les gens de la péninsule arabe, les Arabes, les Bédouins, les différentes tribus de la péninsule arabe suivaient toujours la Mecque, suivaient toujours les gens de la Mecque. Pourquoi? Parce que c'est eux les responsables de la Kaaba et c'est eux donc que les gens suivent. Donc, quand ils ont vu que ils ont introduit l'idolâtrie dans la Mecque, eh bien ils ont cru que c'était la vérité et ils ont suivi Amr ibn al-Wuhay dans cette chose là. وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله يظنون أيضا أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمر بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. Donc il dit que dans les gens de la Jahiliya, c'est-à-dire les Arabes qui vivaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y avait parmi eux des restants de la religion d'Abraham que les gens n'avaient pas encore abandonné complètement. Et ceux-là considéraient que, donc, qu'est-ce que les gens avaient ramené? C'était une innovation. C'est-à-dire l'idolâtrie, que ça avait été une innovation, sauf que ils disaient que c'était une bonne innovation, que c'était pas en contradiction avec la religion d'Abraham. Et ça, c'est bien entendu faux. C'est incorrect. Mais les gens, avec l'ignorance, ils acceptent ce genre de choses-là parce qu'ils sont loin du tawhid et de la connaissance du tawhid et des ulama et des prophètes et des messagers et des livres. Donc ils inventent dans la religion d'Allah. Donc le cheikh il dit وَكَانَتْ تَلْبِيَةُ نِزَارِ il dit وَكَانَتْ تَلْبِيَةُ نِزَارِ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكْ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكْ. C'est-à-dire que les Arabes, ils faisaient la talbiya aussi avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient labbaik Allahumma labbaik. labbaik la sharika lak labbaik, comme on le dit nous-mêmes dans le Hajj, sauf que il rajoutait quelque chose à ça. Hein? Labbaik Allahumma labbaik, hein? Ça veut dire je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel. Et tu n'as pas de partenaire ou de serviteur, je réponds à ton appel. Et il dit, eux, ils rajoutaient quelque chose à ça. Ils disaient, tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de serviteur, excepté un partenaire ou un serviteur qui est à toi et que tu possèdes et que tu possèdes lui ainsi que ce qu'il possède. C'est-à-dire, tu n'as pas de partenaire, hein, ou d'associé, excepté un partenaire ou un associé que tu possèdes toi-même, et que ce qu'il possède, eh bien, tu le possèdes aussi. C'est-à-dire, dont tu possèdes ce qu'il possède aussi. Et ça, c'était leur talbiya. C'est pour dire que ils considéraient que les idoles qu'ils adoraient appartenaient aussi à Allah, et que ce que les idoles détenaient appartenait à Allah aussi, mais ils considéraient que c'était des intermédiaires et des intercesseurs qui les rapprochaient un peu plus d'Allah. Exactement. C'est comme des moyens pour se rapprocher d'Allah. Donc il dit وَمِنْ أَقْدَمِ أَصْنَامِهِمْ مَنَاتْ وَكَانَ مَنْصُوبًا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِقَدِيدٍ تُعَظِّمُهُ الْعَرَبُ كُلُّهَا لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. Donc, il dit que parmi leurs plus anciennes idoles, il y avait Manat. Manat, c'était une de leurs idoles, et il l'avait placée sur la côte de la mer, dans un endroit qu'on appelle Qudayd. Sahel al-Bahr bi Qudayd. Et il vénérait cette idole, tous les Arabes vénéraient cette idole, et ils l'adoraient. Mais Al-Aws et Al-Khazraj étaient parmi ceux qui l'adoraient le plus. C'est-à-dire, les gens de Médine, ils adoraient plus, ils respectaient encore plus Manat que les autres Arabes. ثُمَّ اتَّخَذُوا اللات فِي الطَّائِفِ وَقِيلَ إِنَّ أَصْلَهُ رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ للحاج فمات فعكفوا على قبره. Donc ensuite il y avait aussi une autre idole qu'ils appelaient Al-Lat dans la ville de Taif, et on dit qu'à la base Al-Lat c'était un homme pieux qui mélangeait la viande avec le pain pour les gens qui venaient faire le Hajj, hein, ou avec de la farine ou de la pâte, et il leur donnait ça à manger, et lorsque il est mort, ils se sont tenus près de sa tombe et c'est devenu une idole. Hein? ثم اتخذوا العزة بذي نخلة بمكة بين مكة والطائف. Donc entre Mecca et Taif, il y avait une autre idole qu'ils adoraient qui s'appelait Al-Uzza. Et c'était dans une vallée qu'on appelait la vallée de Al-Nakhla. Hein? Wadi Al-Nakhla. Et c'était entre la ville de la Mecque et Taif. Donc ça, c'était les trois plus grandes idoles des Arabes à l'époque. فهذه ثلاثة أكبر أوثانهم. Hein? ثم كثر الشرك وكثرت الأصنام والأوثان في كل بقعة من الحجاز. Donc ensuite, le shirk est apparu. Il y a eu de plus en plus d'idoles, hein, qui étaient adorées dans les différentes régions de la péninsule arabe et de Al-Hijaz, c'est-à-dire la région qui est au bord de la mer Rouge dans la péninsule arabe. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera le cours à ce sujet, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain. Demain, ça va être Al-Fatwa Al-Hamawi à l'explication, puis durant la semaine, il y aura des cours aussi. Je vais annoncer l'horaire de ces cours-là. Probablement, Inch'Allah, je vais essayer de faire l'horaire pour que ce soit annoncé demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيك بركة أخي. أي نعم. Thank you.